On s'en va dans notre pays, la bite à Tibi! Moi, je viens de la bite à Tibi, moi, je viens de la bite à Tibi. Moi, je viens d'un pays qui est un arbre fort. Je viens d'un pays qui pousse dans le nord. Dans ce pays qui était comme un œuf, le 13 février 1939, je suis né à Val d'Or en Abitibi. Dans ce pays qui est encore tout neuf, j'avais connu Arnès Turcotte qui vivait en de beaux bouillons et parlait aux embryotons qui chaque matin chose assez bonne pour aller comme Tidjo et bien faire de la forêt avec ses terres. Qui avait pas de chainsaw, qui avait haché boxo, pis des bras durs comme la roche, pis des cuisses comme des troncs d'eau, pis du front tout le tour de la tête. Qu'il n'était pas si belle. En 1910, en Abitibi, dans mon pays. Moi je viens de la Bétibi, moi je viens de la Bétatibi, moi je viens d'un pays qui est de la Béron. Moi je viens d'un pays où est-ce que le poisson mort. Dans les chantiers, j'allions jouer au bois avec les épinettes et les bouleaux. J'allions gazouiller avec les oiseaux. Dans les chantiers, je suis dans le ruisseau. De la ricano sur la rivière Harmonica, comme l'avion passé les gros chars sur la petite scène qui venait en or. Dans un banc de neige, je creusais maison, et dans la glace, j'écrivais tombe. Et l'hiver à la Reno, on patinait tout en temps, l'été près du lac Blouin, on faisait, on s'en rien, on ramassait des belles à qu'on vendait pas presque rien. En 1905, on habitait mon pays. Moi, je viens de la Bétatibi, moi, je viens d'un pays qui a un ventre en or. Je viens d'un pays où ce qui m'arrive encore. Dans mon pays, quand il offre la carte, mon oncle et mon travaillait sous la terre, mais il creusait dans l'or sa propre mort. Mon oncle et mon nous ont mis sur la carte. Dans mon pays qui a grandi, il m'avait tout du premier temps. On y gagnait beaucoup d'argent, il y a de l'or en bord qui dort ici. Il y a même des poignées de porte en or, un cuivre en fer du fond de l'auto. J'aimions jouer dans la fanfare pour éclater tous les pétards. Quand j'aimions chanter, il me boit les rires avec des vestes. J'en prenions compte dans les as. Au petit matin, les flammes. Sans doute en Abitibi, dans mon pays. Du Québec au complet, là. Là, c'est le temps de casser.